En ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et chacun faisait ce que bon lui semblait. Dans la montagne d'Éphraïm, il y a un homme nommé Elkana. Sa femme, Anne, est stérile, et elle se désespère. Or, un jour, ils montent de leur ville comme chaque année pour adorer le Seigneur et lui offrir un sacrifice à Silo. Après le repas, Anne se lève et va prier dans le temple du Seigneur. Son âme est dans l'amertume. Le lendemain matin, Anne et Elkana s'en retournent chez eux à Rama. Le temps voulu passe. Anne donne le jour à un fils qu'elle appelle Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Samuel, ayant grandi, est conduit par Anne auprès d'Élie, parce qu'il est consacré au Seigneur. Or, le grand prêtre a des fils qui pêchent contre le Seigneur, c'est pourquoi Dieu les rejette de son sein. Le jeune Samuel sert le Seigneur sous les yeux d'Élie. Samuel grandit, et le Seigneur est avec lui. Il ne néglige aucune de ses paroles. De Dan jusqu'à Bersabée, tout Israël reconnaît que Samuel est un prophète du Seigneur. Durant toute sa vie, Samuel est juge en Israël.